yachts, expositions collectives et autres plaisirs. Lebaldulézard.com. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Alors ce soir, Bruno Côté à la mise en onde, toujours fidèle au poste, et Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Et j'ai plus un bon deux heures de bonne musique rock progressif, évidemment. Pour les amateurs, on se retrouve, hein, c'est toujours notre rendez-vous. Et on a toujours quelques nouveautés, on parle de spectacles qui s'en viennent. On parle également des spectacles qui s'en viennent à Québec, évidemment, puisqu'on est à Québec, mais également des spectacles à l'étranger, parfois. Il sera d'ailleurs question un peu du nouveau magazine belge Progressif, numéro 95, et également du festival Les Intemporels qui aura lieu à Soignies. Il y a également un festival là-bas, là, la Convention progressiste. Alors, on en parlera un peu plus tard. On parlera du festival, évidemment, qu'on a ici à Québec, Terra Incognita, des spectacles autres qui s'en viennent et des nouveautés. D'ailleurs, on a su cette semaine qu'il y aura au Palais Montcalm, au mois de novembre, 26 novembre, de Pineapple Thief avec Gavin Harrison qui vient d'être annoncé. Je pense que les billets sont déjà en vente d'ailleurs. On vous parlera de Terra Incognita également. Bien évidemment, on a un festival. C'est le seul festival de rock progressif au Canada. Ça se passe ici à Québec, au Centre d'art La Chapelle. C'est la 15e édition. Terra Incognita, les 17, 18 et 19 mai prochains. Alors, il y a des groupes. Plusieurs groupes internationaux, évidemment. Dépêchez-vous là, pour procurer vos billets, parce que déjà, là, le samedi, il n'y a plus de billets disponibles. Il reste quelques billets le vendredi et le dimanche. Alors, le dimanche, il y a Oak et Bjørn Riis, les deux de la Norvège. On aura une pièce de Oak, justement, un peu plus tard dans l'émission, dans le dernier bloc. Ensuite, le samedi, il y a de l'Italie Basta. Il y a Is qui viennent nous présenter un nouvel album en primeur, qui vont lancer leur nouvel album, et Airbag de la Norvège. On aura également Inner Space. Ça, c'est le 19 mai. Inner Space, un groupe, une formation de Montréal. On aura, parlant d'une formation du Québec, on aura une nouveauté ce soir du Québec. Il y aura également Fido le 19 mai. Fido, il y a seulement deux spectacles en fait qui sont donnés, là, un aux États-Unis, un au Canada. Et dans le cadre du festival, c'est pas mal toujours des spectacles exclusifs. Et Finistère, puis ils se reforment presque pour l'occasion du festival, là, c'est Terra Incognita cette année, et ils sont en train de réenregistrer leur premier album. Alors, j'ai bien hâte de voir ça avec Fabio Zuffanti, qui est un des grands musiciens de rock progressif contemporain italien. Et on a la chance de voir ça ici à Québec. C'est incroyable. Pour les nouveautés, on va débuter avec la nouveauté de Kinetic Element, qu'on avait eu la chance de voir dans l'édition Terra Incognita de 2016, là, la seule fois qu'ils sont venus au Canada d'ailleurs. Kinetic Element, leur troisième album, qui a pour titre « The Face of Life ». Il y a une excellente pièce qui est la pièce titre de cet album-là, qui est un incontournable. Alors, on débutera avec cette pièce-là et on va poursuivre avec la formation norvégienne Professor Tip Top, tirée de leur nouvel album Hybrid Hymns. professeur Tip Top, qui sont de la Norvège. Alors, sur cette pièce-là, moi, je trouve que ça me fait beaucoup penser au groupe norvégien Curse Pink, qui avait débuté premier album en 1980. Et ils en ont fait quelques-uns dans les années 80. Ensuite, ils sont revenus avec un dernier album, même en 2014. Et moi, cette pièce-là me fait beaucoup penser à Curse Pink. J'ai l'impression que c'est un hymne à Curse Pink. Sur la pièce Passion de Professor Tip Top, mais tout d'abord, Kinetic Element, The Face of Life. We'll be right back. storming, understanding what is lost and what is found. Sinking in the bowels of everlasting, feeling of your feet on solid ground. Walking through a darkness so completely, checking all your pockets for a light. Somehow fear is missing, not discreetly, placing all your hopes, there is no fight. So come to the river, come to the shore, come to the place where faith is more. Because all of the hope is reality now. You are gazing into the face of. We'll be right back.

CKRL. Communication. Culture. Les 29, 30 et 31 mars, c'est le Radiothon de CKRL. Des invités de marque, des prestations et des émissions spéciales en direct de nos studios vous seront proposées tout au long de cette fin de semaine festive. C'est le temps de venir voir et entendre vos animateurs et animatrices préférés, et c'est aussi le bon moment pour renouveler votre carte de membre, de miser sur nos nombreux lots ou bien de faire un don. Ce Radiothon vous sera présenté grâce à nos partenaires majeurs. La Boîte à pain, la Barberie, le Bal du Lézard, Audiolite et l'Hôtel Château Laurier. Votre soutien demeure essentiel. Merci d'écouter CKRL. Ici Jessica Leb. Sortie culturelle à la Korrigane, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec CKRL et les artistes d'ici. Chaque mardi de 17h30 à 19h30, les invités se dévoilent au plus près de vous en entrevue et en prestation au 380 rue Dorchester. En assistant à l'émission, vous pourriez même repartir avec des prix de présence. Sortie culturelle, c'est le mardi de 17h30 à 19h30 à CKRL 89.1. Alors, ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'était la formation norvégienne Professor Tip Top, tirée de leur plus récent album Hybrid Hymns. Et c'était la pièce Passion. Comme je vous disais, moi, ça me fait beaucoup penser à une pièce de la formation norvégienne Curse Pink. J'imagine que ils ont été influencés par ce groupe. Et donc, de leur plus récent album. Et juste avant, la nouveauté de Kinetic Element, groupe américain, leur troisième album, The Face of Life. Et c'était la pièce titre de cet album. Je vous parlais un peu de spectacles qui s'en viennent. On va en parler tout de suite. On a Mystery, un programme double Mystery, le groupe de Montréal, et Frost, le 22 mars, à la salle Jean-Paul Tardy, programme double, donc ça commence un peu plus tôt. Ensuite, il y a Arena qui reviennent là, le 30 mars, à la salle Jean-Paul Tardy. Ensuite, il y aura Red Sand au Centre d'art La Chapelle. Il y avait Dream Theater, mais c'est déjà complet, le 6 avril au Capitole. Le 7 avril, donc Red Sand au Centre d'art La Chapelle, qui présente leur nouvel album Forsaken. Ensuite, il y a Saga, le 13 avril, à la salle Sylvain-Lelièvre. Il y a également Riverside, qui va faire la salle Sylvain-Lelièvre le 14 mai prochain. Et le 15 avril, il y a Nick Mason, Sarsifull of Secret. Parlant de ça, vous savez que la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission, puisqu'il y a un spectacle en hommage à Denis Barry, l'opinaire du chef, qui était animateur ici pendant plus de 30 ans, et qui était un grand amateur de Pink Floyd. Donc, ce groupe rendra hommage au vieux, vieux Pink Floyd, et ce sera diffusé en direct sur les ondes de CKRL dans le cadre de notre émission. Également, l'autre semaine d'après, c'est le Radiothon, donc il n'y a pas d'émission. Donc, pour les deux prochaines semaines, il n'y aura pas d'émission, mais la semaine prochaine, il y a du bon rock progressif. Et dans deux semaines, profitez-en pour écouter et participer au Radiothon pour aider CKRL. D'ailleurs, le spectacle de la semaine prochaine, la moitié des dons vont pour des rénovations ici en studio. Alors, ça vaut la peine. On y va donc en musique avec un prochain bloc. On a un artiste ou un groupe de Montréal, Vigor, leur premier album The Inner Eye, Part 1. C'est l'œuvre les compositions de Xavier Gervais-Dumont qui est au chant sur ça. Donc The Inner Eye, on aura la pièce Enticement. On a également le nouveau Steve Hackett, que j'ai pris la peine d'écouter comme il faut. Je vous en avais présenté un premier extrait le mois dernier. Et finalement, je l'aime beaucoup. Il y a cette pièce-là, Under the Eye of the Sun, qui me fait beaucoup penser, c'est drôle, à du Yes, la période drama. Et les voix, le style de chanson, tu sais, pourtant, lui, il devrait être associé à Genesis, mais là, je l'associe à Yes. Steve Hackett, qui sait toujours nous étonner et qui est toujours excellent. Également, la formation espagnol On The Rock, dont Michel vous a présenté un premier extrait la semaine dernière de leur nouvel album, leur second, Climbing the Air. Là, on aura la pièce-titre Climbing the Air. Et je vous parlerai également d'un groupe qui sera au Festival des Intemporels à Soigny, en Belgique, le 4 mai prochain. C'est le groupe Sci-Fire. Il y aura dans ce festival-là Stéphane Galland, and The Mystery of Kim. Il y aura Étienne Jaumet, Sci-Fire et Six Songs ou Song. Et je vous en parlerai un peu tantôt là, au retour. Mais allons-y tout de suite avec cette formation, nouvelle formation de Montréal, Vigor. We'll be right back. C'est bon ça, hein? Je ne sais pas si vous aimez cette musique, mais c'est la formation, c'est une nouvelle formation de l'Espagne. Ils sont de la région de Barcelone. C'est la formation Andorra et c'est leur nouvel album Climbing the Air. Michel, vous en avez fait, nous en avons fait connaître ou une nouvelle pièce la semaine dernière à l'émission. Et franchement, j'ai bien aimé. Juste avant, il y avait Steve Hackett, son nouveau disque At the Edge of Light, c'est son 26e album en carrière et une pièce très très dynamique du titre Under the Eye of the Sun. Et juste avant, il y avait eu la formation de Montréal Vegar, tirée de leur premier album, un album intitulé At the Inner High, Part 1. Et c'était la pièce Enticement. Alors là, je vous parlais un peu du festival Les Intemporels. Il y a quatre artistes. En fait, on peut voir un peu sur leur... si on fait une recherche, festivalintemporel.eu. Ça, c'est à Soigny, le 4 mai prochain. Et il y a une des formations qui est intéressante, Sci-Fire. Ils sont quatre, en fait. Il y a un Anglais, un Danois, un Français d'Italie et un Égyptien qui font ensemble une musique qui sort complètement de l'ordinaire, évidemment. Et c'est pas mal intéressant. Je vais vous en faire jouer un extrait de ça. De cette pièce intitulée The Thicker Purple Fetters. Vous allez voir un peu ce que ça donne là, comme musique. Là, c'est un mélange vraiment là, de chants arabes et de rock progressif. Alors, c'est pas mal intéressant. On y va tout de suite avec ça. Oh, CKRL. Communication. Culture. N'attendez plus, faites-le aujourd'hui. Renouvelez votre carte de membre au 405 3e avenue à Limoilou. Votre carte ne coûte que $25 et elle est valide pour un an à partir de la date d'adhésion. La Korrigan se met en mode impro tous les dimanches soirs. Assistez au match de la 19e saison de la GIF en bonne compagnie. Venez rire aux éclats, huer l'impitoyable arbitre, voter pour vos équipes favorites et déguster une succulente bière de microbrasserie. L'École bleue, les Esties, l'Armée rouge et le Géant ont 1000 histoires à vous raconter. Entrée gratuite, contribution volontaire appréciée. La GIF, de l'impro bonne pour la santé. Tous les dimanches 20h à la Korrigan. Alors, on poursuit maintenant avec en musique, mais je voulais vous parler juste avant du nouveau magazine Progressiste, le magazine numéro 95, nouveau numéro. Bon, on y parle évidemment de la convention là qui va avoir lieu le 6 avril prochain au Spirit 66 à Verviers. Convention Progressiste avec Gangfly, Richard Schoblum, Overhead et Frank Carducci. Et évidemment, on en parle allègrement, mais il y a plusieurs, comme d'habitude, albums événements. On parle de Bubu, cette formation dont on vous a fait entendre quelques pièces déjà, Echo del Sol, un beau retour, Gustav Ehrling Saga, on y parle de Gangfly, évidemment, Richard Schoblum et de Overhead, et leur nouvel album Hayden Spark. On y parle de nouvel album de Ryan Stolt, qui nous a visité récemment, le Manifesto of an Alchemist, également The Tangent Proxy, plusieurs chroniques, évidemment, comme d'habitude. On y parle d'IQ et leur album, plusieurs albums qui en spectacle, là, puisqu'ils sont très actifs en spectacle. On a une entrevue avec Holly Mushroom, une entrevue avec Wobbler. Une autre, on y parle même de Gérard Lenormand qui serait associé à du rock progressif dans un album. Alors ça, faut le faire. Il y a évidemment les pôles là, de la rédaction, là, les top 2018 si on veut, les indispensables comme d'habitude. Il y a une compilation qui vient avec ça. Il y a une pièce de Bubu, de Circles Around the Sun, d'Amanik, Gustav Ehrling Saga, Gangfly, Jet Black Sea, ça c'est des pièces qui ont été présentées par Jean-François à la dernière émission, Ran Estran également, et plusieurs chroniques, et il y a un des groupes là, qui a attiré mon attention sur ça, qu'on écoutera j'ai pas le temps d'en passer ce soir. En fait, c'est un groupe qui apparaît sur la compilation qui vient avec le New Species volume 35. Sur ça, il y a deux pièces de Lazuli, il y a Mark Spencer dont Jean-François vous a fait jouer la pièce, il y a Lee Abraham, Light Damage, Luna Rossa, Aaron Brooks, The Dame, qu'on vous a déjà présenté l'an dernier, Ali de Fedor également, et The Kentish Pears, Michel en avait présenté un extrait aussi, ça c'est au mois de juillet dernier, et il y a une belle pièce qui m'a attiré mon attention sur ça, Kingdom of Kent, une partie de la pièce Kingdom of Kent, donc de cette formation britannique Kentish Pear. On aura dans le prochain bloc Mad Fellaz, la nouveauté Mad Fellaz 3 avec la pièce Sweet Silent Oblivion, et également Carfagan, un autre extrait de ce nouvel album de Carfagan, Echoes from Within Dragon Island. Ils sont de l'Ukraine et c'est le projet de Anthony Kalugin, son 10e album, mais c'est un album double en fait, mais ça sera du premier CD, et un extrait de la pièce Echoes from Within Dragon Island Part 1. Mais tout d'abord, Mad Fellaz, Kentish Pears et Carfagan. feeling lame. Your life is going down the drain. Stuck in a rut by now. The only comfort is the clutch you cut. Yeah, the clutch you cut. We play with your soul, taking you apart without restraint. Down in the hole, you lose your hold, out of control, out of control. Like a leaf in the wind, trapped in this evil wave, wasting my dreams we have left us. It's now our own defense. Shore up our beaches, save the kingdom of Kent. You know we'll never see a time like this again. The beauty of not as beautiful as this. Our love of this kingdom is threatened by arrows and rocks. We just can't stand by as they plunder and tear down our gods. Desert us, the politicians lied. You know we'll never see a time like this again. Beauty of green, the Garden of Eden was not as beautiful as this. Our love of this kingdom is threatened by arrows and rods. Just can't stand by as they plunder and tear down our gods. Thank you. should. Living in torment. Shoot battered, skulls fractured, we've lost the kingdom of Kent. You know we'll never see a time like this again. Beauty of gloom. Threatened by arrows and rods, we just can't stand by as they plunder and tear down our gods. Thank you. ici Jessica Leb, directrice de la programmation. Ce lundi 18 mars, dès 15h30 à CKRL, on vous dévoile la programmation du Radioton 2019 qui se déroulera les 29, 30 et 31 mars prochains. Objectif 42 000 $. Qui seront les porte-paroles de l'événement et nos invités? Quels seront les spectacles présentés gratuitement, en direct et en public au 405 3e Avenue? On vous dira tout en présence de notre porte-parole artistique et de notre porte-parole d'affaires ce lundi 18 mars dès 15h30 en direct à CKRL. Je serai là en personne. Audiolight, 50 ans de tradition et d'innovation. Bryston, Cambridge Audio, Denon, Dyn Audio, Focal, Grado. Audiolight. Toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolight.qc.ca. Alors, de retour pour notre dernière demi-heure. On regarde un petit peu en arrière ce qu'on a écouté. D'ailleurs, on vous invite à visiter notre site web www.terraincognita.québec. Et vous aurez les détails sur le festival et sur également dans la section radio sur toutes les pièces qu'on vous fait jouer, accès au podcast. Alors, on avait Carl Fagan tiré de son plus récent album Echoes from Within Dragon Island. C'était la pièce éponyme Part 1, un extrait, environ juste la fin de la pièce en fait, parce que ça dure environ 17 minutes. C'est de Anthony Calugin, son 10e album là, en carrière. Là. Juste avant, Kentish Spire, c'est leur premier album du Royaume-Uni, l'album The Last Harvest, paru en 2018. Et on avait débuté avec Mad Fellas, paru cette année, le plus récent album, le 3e. Alors on poursuit maintenant avec une seconde pièce de Professor Tip Top. Du plus récent album Hybrid Hymns, ce sera Data Mining, et ensuite la nouveauté de Motor Psycho, aussi de la Norvège, donc deux groupes de la Norvège. Pour terminer, The Crucible, le plus récent album, et on aura la pièce titre. Alors on y va tout de suite en musique avec Prof Tip Top et Motor Psycho. Will You never thought you'd formation norvégienne Motor Psycho et leur plus récent album The Crucible, et c'est la pièce titre. C'est leur 23e album, hein, un groupe formé en 1990. Juste avant, on avait eu la formation Professor Tip Top de la Norvège également. Alors, c'était Bruno Côté à la mise en onde, Marc Chaunet au choix musical et à l'animation. Alors, restez les nôtres parce que dans quelques instants, c'est l'autoroute avec Stéphane Villeneuve. Et on vous rejoint dans 3 semaines. On se retrouve dans 3 semaines. Alors, à bientôt. Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. It's a hard rain, they're gonna fall. Depuis plus de 50 ans, Bob Dylan incarne le folk d'Amérique dans toute sa grandeur. Je vous invite à le découvrir sous toutes ses paroles, 4 émissions durant, en compagnie d'un connaisseur passionné, Pierre Sarteau-Blanchard, les mardis 26 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril, à 19h30, bien sûr à l'émission Folk d'Amérique, animée par moi-même, Gilles Chaumel, sur les ondes de CKRL. And it's a hard rains are gonna fall. Cette semaine, en nouveauté au cinéma Le Clap Sainte-Foy, Ciné-Voyage Singapour. La comédie française présente Le Misanthrope, Genèse et Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Et au Clap Loretteville, Ciné-Voyage Singapour, Genèse, Nous, Le Parc des Merveilles, Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu et Os. Rendez-vous sur leclap.ca pour consulter la programmation et plus encore. Bon cinéma. Cette année, on fête la Saint-Pat à la brasserie artisanale La Corrigane. Menu traditionnel irlandais, promo sur la bière et sur le Jameson. Casque spécial, ambiance festive et plusieurs prix à gagner. Tout ça au 380 rue Dorchester. Le 16 mars dès 17h, on t'attend. Allô, ici Denis Barry, vous êtes encore en vie et c'est merveilleux. Salut, c'est Jean-Pierre Gay en compagnie de Jean-Sébastien Grondin. Le samedi 23 mars, dès 21h au Bal du Lézard, nous animerons un spectacle hommage à Denis Barry, animateur renommé de l'opineur du chef à CKRL. Je pense à toi là, qui écoute à l'autre bout du monde. Ce spectacle s'inscrit dans le cadre du Radioton qui aura lieu les 29, 30, 31 mars. Alors, si ça vous tente d'avoir un tour de soucoupe volante, ben, je vous en promets. % des profits du spectacle Hommage seront remis pour la rénovation du studio Denis Barry à CKRL. 10 $ à la porte. Vous ne pouvez être présent. Ce spectacle sera retransmis en direct sur les ondes de CKRL. Profitez-en pour faire un don entre 21h et minuit au 418-640-2575 ou par PayPal. Le 23 mars, spectacle hommage à Denis Barry. J'imagine que pour vous, ça peut représenter tout plein de souvenirs, d'événements. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de pouce longtemps. Bon, enfin, il y en a un qui allume. Ça commence à être le temps. Vers où tu t'en vas? Ben, je prends l'autoroute 89,1. Wow, j'embarque.